Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 32. De la connaissance des personnes divines. La Trinité ne se prouve pas par la raison, ce qu'il faut entendre par les notions. 1. L'homme peut-il connaître la Trinité des personnes divines par les lumières naturelles de la raison? L'homme, dit Saint-Hilaire, ne saurait découvrir par son intelligence le mystère de la génération du Verbe. S'efforce-t-il, ajoute Saint-Ambroise, de saisir le secret de cette génération, son esprit reste sans lumière, et sa bouche sans parole. Prétendre établir la Trinité des personnes divines sur des arguments tirés de notre raison seule, c'est blesser doublement la foi. D'abord, c'est la blesser dans sa dignité, car elle a pour objet les choses invisibles que ne peut atteindre la raison, et c'est ce que l'apôtre écrit, la foi a pour objet ce qui n'apparaît point. Hébreux 11, 1. Ensuite, celui qui veut établir la Trinité par le raisonnement éloigne les autres de la foi. Quand nous appuyons les vérités de la foi sur des raisons qui ne forcent pas l'assentiment de l'esprit, qu'arrive-t-il? Nous prêtons matière à la dérision des impies, qui s'imaginent que notre foi repose sur des fondements sans solidité. À ceux qui admettent l'autorité de la révélation, nous ne devons pas chercher à démontrer notre doctrine autrement que par les preuves d'autorité. À ceux qui ne l'admettent pas, il faut se contenter de démontrer que les vérités de la foi ne renferment rien d'impossible ni de contraire à la raison. Si l'on ne reconnaît pas les oracles divins, dit Saint-Denis, on est loin de notre philosophie, et, quand on les reconnaît, nous partons de leur témoignage comme d'une règle infaillible. Note. Il y a deux sortes de raisonnements. Dans l'un, on se propose d'établir radicalement une vérité. Dans l'autre, on fait voir que la vérité déjà connue s'accorde très bien avec certains effets visibles. La Trinité étant admise par la foi, on peut produire en faveur de ce dogme des raisons de convenance, comme nous l'avons fait nous-mêmes dans le premier article de ce traité, où nous avons essayé d'expliquer les processions divines à l'aide de certaines analogies qui seraient très insuffisantes pour démontrer le mystère de la Sainte Trinité, si on ne le connaissait pas d'avance. C'est le cas de répéter ce mot de Saint Augustin, « Ce n'est pas la science qui mène à la foi, c'est la foi qui mène à la science ». Aucun philosophe de l'Antiquité n'a connu la Trinité par les propriétés des personnes, qui sont, la paternité, la filiation et la procession. Aristote parle de la perfection du nombre ternaire, mais il ne met point ce nombre dans la nature divine. On a dit que l'on trouve dans les livres des platoniciens, au commencement était le Verbe, mais il faut savoir que ces philosophes entendaient par ce mot, non pas une personne engendrée dans la nature divine, mais la raison idéale ou la sagesse par laquelle Dieu a fait toutes choses. Les platoniciens n'ont jamais parlé du Saint-Esprit. Hermès Trismégiste ne traite ni de la génération du Fils, ni de la personne du Saint-Esprit, il dit seulement que le Dieu un. La monade, a produit le monde, la monade, parce qu'il l'aimait, et qu'ensuite il a ramené son amour en lui-même. Du reste, s'il est vrai que les philosophes de la Grèce ont eu quelques notions de ce mystère, ils l'avaient puisé, non dans la lumière de leur raison, mais dans les livres de Moïse et des prophètes, ou dans leurs relations avec les docteurs juifs, ou bien encore dans quelques traditions venant de la révélation primitive. Mais, dira quelqu'un, pourquoi transmettre à l'homme des vérités que notre raison ne saurait connaître? C'est que la connaissance des personnes divines nous importe doublement. D'abord, elle nous donne une juste idée de la création, car, Dire que Dieu a tout fait par son Verbe, c'est écarter l'erreur de ceux qui croient qu'il a produit le monde nécessairement par sa nature même. Et quand on nous enseigne qu'il y a en Dieu une procession d'amour, nous pouvons concevoir qu'il a créé le monde par bonté et non pas par besoin. Ensuite, la révélation de ce mystère nous était surtout nécessaire pour connaître la rédemption du genre humain, qui s'est accomplie par l'incarnation du Verbe et par les dons du Saint-Esprit. Fin de la note. 2. Devons-nous admettre des notions ou propriétés notionnelles dans les personnes divines? Nous connaissons la distinction des personnes divines par les trois propriétés de paternité, de filiation et de procession. Donc nous devons mettre des propriétés et des notions en Dieu. En effet, si nous n'avions pas quelques termes abstraits pour distinguer les subsistances divines, par quoi pourrions-nous expliquer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment trois personnes distinctes? Il nous faut évidemment des termes abstraits, tels que paternité, filiation, procession, qui désignent des propriétés, pour distinguer les personnes entre elles. Une autre raison pour laquelle on doit employer des termes abstraits dans la Trinité se tire de la nature diverse des relations. Le Père se rapporte au Fils et au Saint-Esprit, c'est-à-dire à deux personnes, par un rapport différent, ce qui forme deux relations. Le Père, cependant, n'est qu'une seule personne, comment exprimer ces deux relations? Sinon par des termes abstraits que l'on appelle propriété ou notion. Note. La notion est une idée abstraite, telle que paternité, filiation et autres semblables. On entend par ce mot, dans la Trinité, la raison propre qui fait connaître une personne par l'idée qui notifie. Fin de la note. 3. Y a-t-il cinq notions dans la Trinité? Le Père ne procède d'aucune personne, et, sous ce rapport, il se distingue par la notion d'inassibilité, mais il fait procéder deux personnes, et, sous ce point de vue, il se signale par la paternité vis-à-vis du Fils, et par l'aspiration commune relativement au Saint-Esprit. Le Fils procède du Père par voie de génération, et il a pour notion la filiation, puis, il fait procéder le Saint-Esprit et se notifie avec le Père par l'aspiration commune. Le Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils, prend la procession pour notion caractéristique. Il y a, comme on le voit, cinq notions dans la Trinité. L'inassibilité, la paternité, la filiation, l'aspiration commune et la procession. Note. De ces cinq notions, quatre seulement sont des relations, car l'inassibilité, qui ne se rapporte à aucun terme, n'en est pas une, quatre également sont des propriétés, car l'aspiration n'appartient pas exclusivement à une personne. Trois seulement sont des notions personnelles, c'est-à-dire constituant des personnes. Fin de la note. 4. Peut-on différer d'opinion dans la question des notions? Les choses sont deux fois de deux manières, d'abord directement, comme ces dogmes, il y a trois personnes en Dieu, le Fils de Dieu s'est incarné, et d'autres qui nous ont été positivement révélés. Avoir une opinion fausse à leur égard et la soutenir avec opiniâtreté, c'est encourir l'hérésie. Il est ensuite des choses qui appartiennent indirectement à la foi, ce sont les vérités dont la négation implique des conséquences contraires à la doctrine révélée, comme, par exemple, si l'on disait que Samuel n'était pas fils d'Elkana. D'où il suivrait que l'Écriture sainte n'est pas véridique. Ici, cependant, on pourrait sans hérésie avoir une opinion fausse, Si on ne voyait pas que l'on contredit la vérité divine, et si, d'ailleurs, l'Église n'avait rien décidé sur ce sujet, pourvu surtout que l'on ne s'attachât pas obstinément à cette opinion. Mais s'il devenait évident, et principalement si l'Église définissait qu'une telle doctrine renferme des conséquences contraires à la foi, on ne pourrait plus la soutenir sans se rendre coupable d'hérésie. Voilà pourquoi il est aujourd'hui des propositions hérétiques qui n'étaient pas telles autrefois, lorsqu'on n'avait pas eu occasion de remarquer les conséquences qu'elles emportent. L'Église n'ayant rien défini au sujet des notions, on peut dans cette question différer d'opinion, mais, si l'on s'apercevait que tel sentiment entraîne des conséquences contraires à la foi, on devrait y renoncer, ou bien l'on tomberait dans l'hérésie. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.